inscrire au casting de Loft Story 2, tapez 1. Bienvenue sur le répondeur des inscriptions pour Loft Story 2. Tout d'abord, si vous êtes un homme, tapez 1. Si vous êtes une femme, tapez 2. Si vous êtes une dinde et qu'il y a de l'écho quand on vous souffle dans le cerveau, tapez n'importe où, on se débrouillera. Vous n'avez pas d'amis, tout le monde vous appelle neuneu ou face de paix, tapez 1. Si vous n'avez rien contre les relations sexuelles en milieu aquatique, tapez 1. Vous savez courir après une poule, tapez 1. Vous savez ce que c'est qu'une poule, tapez 1. Vous chantez très mal, tapez 1. Vous avez une grande gueule ou des gros seins, tapez 1. Vous avez un QI supérieur à celui d'un coléoptère, raccrochez, on n'a pas besoin de vous, sinon tapez 1. Vous êtes prêt à devenir star pendant 3 mois et dépressif le reste de votre vie? Tapez 1. Vous savez jouer au kick à péter? Tapez 1. Si vous n'avez compris aucune des questions, tapez 1. Bravo, vous êtes présélectionné pour le Loft 2. Dorénavant, restez proche de votre portable ou de votre mobile. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Merci et à bientôt. Cet appel vous a été facturé 8,7 euros la minute.